merde. Ah, le truc merdique. Ça a l'air de tourner là. Quoi? 50%. Ah oui, mais ça, je sais pas faire. Je demanderai. Ha ha. C'est un peu comme tu dis conventionnel. Oh, tu m'as cassé là. J'écoute un petit peu, pas beaucoup en fait. Moi, tu sais, j'ai écouté du Thrash, de Metallica et tout comme ça quoi. Eh bien, on va faire un tour, on va voir un peu qui c'est qu'il y a.